L'autocrate par Gaston Chéreau. Chez lui, en pantoufles et en bras de chemise, il trotte à pas feutrés comme une ménagère à son ouvrage. À l'extérieur, il est commis aux écritures dans une maison du Marais. Il y arrive à 10 heures et d'un seul bond, il se plonge jusqu'au cou dans ses gros livres à coin de cuivre. À 7 heures du soir, il y est encore. Les 11 heures de travail des coups de feu ne l'effraient pas plus que les 9 heures de la saison ordinaire. Il ne demande rien. Ce qu'il redoute même, c'est qu'un jour on écoute les revendications de ses confrères des autres maisons qui se réunissent pour palabrer et qui vitupèrent le patron. Chaque fois qu'on l'entreprend sur la journée de 8 heures, il dit « Vous avez raison, il nous la faut à tous, indistinctement. Ainsi, moi, je l'ai obtenue. J'arrive entre 10 et 11 et je pars entre 6 et 7, à ma convenance. Ce n'est donc pas pour moi que je réclame. » Il ne dit point qu'il arrive à 10 heures 1 minute et qu'il part à 6 heures 59, fichtre. À sa caisse, derrière son grillage, il a l'air d'un dos gargneux, et cependant il est doux comme un mouton. Jamais il ne peste, jamais il ne jure, jamais il n'élève la voix. Il savoure sa tranquillité en connaisseur. Il n'y a pas de breuvage auquel on ne s'accoutume après 20 ans de consommation. Tout le monde l'aime. À 7 heures moins le quart, les petits employés, les apprentis, les porteurs le jettent en passant « Bonsoir, monsieur Louis ». Il répond à tous, individuellement, méthodiquement, et quand il a rangé ses crayons, qu'il a proprement arraché la plume de son gros porte-plume de Liège, que son bureau est net et que ses tiroirs sont fermés, à son tour, il souhaite le bonsoir aux principaux et à ses deux patrons. Rue Montmartre, il s'arrête, regarde en arrière, s'assure qu'on ne l'observe pas, et d'un œil habitué, scrute les petites voitures des marchands de 4 saisons. Il fait ses achats très vite en vieux beau qui a fait ses pertes d'argent et qui a réduit son domestique. Puis il se sauve, les paquets au doigt, vers la rue des Martyrs où sa nichée l'attend. 8 heures moins le quart. C'est l'accueil. Non, ma bonne amie, 7 heures et demie. J'ai regardé sur le boulevard. 8 heures moins le quart. Monsieur Louis ne dit plus rien. Il y a longtemps qu'il a perdu l'habitude d'avoir raison. Le couvert est dressé, on se met à table et M. Louis, en pantoufles et en bras de chemise, commence à se rendre utile. Il attache la serviette au cou de ses enfants, coupe le pain, enlève les plats et les assiettes. Le repas fini, il lave la vaisselle, donne un coup de balai, essuie, époussette, met de l'ordre et tout le monde dort depuis longtemps quand il se couche. À 6 heures le lendemain, un choc, imperceptible pour un autre, le tire du lit. Il court à la porte, décroche la boîte de lait qui se balance encore, entre dans la cuisine, fait ses préparatifs pour le petit déjeuner, et dès que les casseroles chantent, il commence sa toilette sans quitter la place, pour surveiller le fourneau et pour ne pas faire de bruit dans la chambre. À 7 heures, la soupe des enfants est servie et le café au lait est prêt. À 9 heures, il range encore, brosse, cire, il cire le malheureux. Madame Louis s'annonce. « Encore du papier déchiré? C'est toi, Adèle, qui a déchiré le journal ?» Non, maman, c'est papa. Il ne bronche pas. Il est temps de partir. Vite, vite, il mange un bout de pain et un bout de fromage sur un coin de table. Il boit un doigt de café. Mais à 9h30, ce n'est plus le même. Propre, sec et tout à fait à l'aise, il descend l'escalier, répond au bonjour du concierge sur un ton qui n'engage pas à faire la causette. Et le voilà dans la rue des Martyrs, transformé. Il prend sa revanche. Il s'explique tout seul, à geste cassant. Sacré tonnerre! Il ne manquerait plus que ça. On se laisserait manger la laine sur le dos, alors? Ah non, non, pas d'histoire, je suis le maître, n'est-ce pas? J'entends qu'on m'obéisse sans répliquer comme une machine, sacré tonnerre. Tais-toi, pas un mot. Ainsi, monologuant, il se rend à son bureau. Il ne veut pas de ces histoires. Il entend qu'on lui obéisse sans discuter. C'est lui le maître, que diable! Il va retrouver ses grands livres, ses tiroirs, sa cage dont le treillage enfantin le fait prendre pour une bête fauve que l'âge a rendue inoffensive. Il marche, tout gaillard, savourant sa demi-heure de commandement. Tais-toi, pas un mot. Ah, comme sa femme file doux en ce moment, dans son esprit. C'était L'Autocrate par Gaston Chéreau.